Le 11 juillet, la maison du corps diplomatique des Dongan à Pyongyang a abrité un colloque à l'occasion de la Journée mondiale de la population 2017. Y ont figuré les fonctionnaires du secteur de la santé publique, des unités d'activité intéressées, le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, le coordinateur permanent de l'ONU et représentant permanent du Programme des Nations Unies pour le développement, autres diplomates des représentations des institutions internationales et de divers pays en Corée. Les orateurs ont dit que le Fonds des Nations Unies pour la population a fixé comme sujet de cette année planning familial, assurance des droits de l'homme et développement social, et espéré que le colloque servira d'une occasion importante d'améliorer le service pour la santé reproductrice, y compris le planning familial. On a ensuite écouté les interventions sous les titres « Investissement au planning familial » de la Stratégie nationale pour la santé reproductrice de 2017 à 2021. Le même jour, le Centre de la population a fait paraître le numéro spécial de Nouvelles de la population.